Chapitre 147e, les 500 hommes de Barbaroux. Le 28 juillet, comme pour donner une base à la proclamation du danger de la patrie, arriva à Paris le manifeste de Koblenz. Nous l'avons dit, c'était une œuvre insensée, une menace, par conséquent une insulte à la France. Le duc de Brunswick, homme d'esprit, trouvait le manifeste absurde. Mais au-dessus du duc étaient les rois de la coalition. Ils reçurent la pièce toute rédigée des mains du roi de France et l'imposèrent à leur général. Selon le manifeste, tout Français était coupable. Toute ville et tout village devaient être démolis ou brûlés. Quant à Paris, moderne Jérusalem, condamnée aux ronces et aux épines, il n'en resterait pas pierre sur pierre. Voilà ce que disait ce manifeste qui arrivait de Koblenz dans la journée du 28 avec la date du 26. Quelques aigles l'avaient donc apporté dans ses serres pour qu'il eût fait 200 lieues en 36 heures. On peut comprendre l'explosion produite par une pareille pièce. Ce fut celle que produit l'étincelle en tombant sur la poudrière. Tous les cœurs tressaillirent, tous s'alarmèrent, tous se préparèrent au combat. Choisissons parmi tous ces hommes un homme. Parmi tous ces types, un type. Nous avons déjà nommé l'homme, c'est Barbaroux. Nous allons essayer de peindre le type. Barbaroux, nous l'avons dit, écrivait vers le commencement de juillet à Rebecky « Envoie-moi 500 hommes qui sachent mourir. » Quel était l'homme qui pouvait écrire une pareille phrase et quelle influence avait-il donc sur ses compatriotes? Il avait l'influence de la jeunesse, de la beauté, du patriotisme. Cet homme, c'était Charles Barbaroux, douce et charmante figure, qui trouble Madame Roland jusque dans la chambre conjugale, qui fait rêver Charlotte Corday jusqu'au pied de l'échafaud. Madame Roland commença par se défier de lui. Pourquoi s'en défiait-elle? Il était trop beau. C'était le reproche que l'on fit à deux hommes de la Révolution dont les têtes, si belles qu'elles fussent, apparurent, à 14 mois de distance, l'une à la main du bourreau de Bordeaux, l'autre à la main du bourreau de Paris. Le premier était Barbaroux, le second, Hérault de Séchelles. Écoutez ce que dit d'eux Madame Roland. Barbaroux est léger. Les adorations que lui prodiguent des femmes sans mœurs nuisent au sérieux de ses sentiments. Quand je vois ces beaux jeunes gens trop enivrés de l'impression qu'ils produisent, comme Barbaroux et Hérault de Séchelles, je ne puis m'empêcher de penser qu'ils s'adorent trop eux-mêmes pour adorer assez leur patrie. Elle se trompait, la sévère Pallas. La patrie fut, non pas l'unique, mais la première maîtresse de Barbaroux. Ce fut elle au moins, qu'il aima le mieux, puisqu'il mourut pour elle. Il était né à Marseille d'une famille de ces hardis navigateurs qui ont fait du commerce une poésie. Pour la forme, pour la grâce, pour l'idéalité, pour le profil grec surtout, il semblait descendre en droite ligne de quelqu'un de ces phocéens qui emportèrent leur dieu des bords du Permès aux rives du Rhône. Jeune, il s'était exercé au grand art de la parole, cet art dont les hommes du Midi savent se faire à la fois une arme et une parure. Puis à la poésie, cette fleur du Parnasse que les fondateurs de Marseille transportèrent avec eux du golfe de Corinthe au golfe du Lion. Il s'était en outre occupé de physique et s'était mis en correspondance avec Saussure et Marat. On le vit éclore tout à coup pendant les agitations de sa ville natale à la suite de l'élection de Mirabeau. Il fut alors secrétaire de la municipalité de Marseille. Plus tard, il eut des troubles à Arles. Au milieu de ces troubles apparut la belle figure de Barbaroux, pareil à l'Antinous armé. Paris le réclamait. La grande fournaise avait besoin de ce sarment embaumé, ce creuset immense, de ce pur métal. Il y fut envoyé pour rendre compte des troubles d'Avignon. On eût dit qu'il n'était d'aucun parti, que son cœur, comme celui de la justice, n'avait ni amitié ni haine. Il dit la vérité simple et terrible comme elle était, et en la disant, il parut grand comme elle. Les Girondins venaient d'arriver. Ce qui distinguait les Girondins des autres partis, ce qui les perdit peut-être, c'est qu'ils étaient de véritables artistes. Ils aimaient ce qui était beau. Ils tendirent leurs mains tièdes et franches à Barbaroux, puis, tout fiers de cette belle recrue, ils conduisirent le Marseillais chez Madame Roland. On sait ce que, à la première vue, Madame Roland avait pensé de Barbaroux. Ce qui avait surtout étonné Madame Roland, c'est que depuis longtemps son mari était en correspondance avec Barbaroux, et que les lettres du jeune homme arrivaient régulières, précises, pleines de sagesse. Elle n'avait demandé ni l'âge ni l'aspect de ce grave correspondant. C'était pour elle un homme d'une quarantaine d'années, au crâne dégarni par la pensée, au front ridé par l'éveil. Elle vint au devant du rêve qu'elle avait fait et trouva un beau jeune homme de 25 ans, gai, rieur, léger, aimant les femmes. Toute cette riche et brûlante génération qui fleurissait en 92 pour être fauchée en 93 les aimait. Ce fut dans cette tête, qui paraissait si frivole et que Madame Roland trouvait trop belle, que se formula peut-être la première pensée du 10 août. L'orage était en l'air. Les nuages insensés couraient du nord au midi, du couchant à l'orient. Barbaroux leur donna une direction, les amoncela sur le toit ardoisé des Tuileries. Lorsque personne encore n'avait de plan arrêté, il écrivit à Rebecky « Envoie-moi 500 hommes qui sachent mourir. » Hélas, le véritable roi de France, c'était ce roi de la Révolution qui écrivait qu'on lui envoyât 500 hommes qui sussent mourir et à qui, aussi simplement qu'il les avait demandés, on les envoyait. Rebecky les avait choisis lui-même, recruté parmi le parti français d'Avignon. Il se battait depuis 2 ans, il haïssait depuis 10 générations. Ils s'étaient battus à Toulouse, à Nîmes, à Arles. Ils étaient faits au sang. De la fatigue, ils n'en parlaient même pas. Au jour arrêté, ils avaient entrepris, comme une simple étape, cette route de 220 lieues. Pourquoi pas? C'étaient d'âpres marins, de durs paysans, des visages brûlés par le sirocco d'Afrique ou par le mistral du Mont Ventoux, des mains noircies par le goudron ou durcies par le travail. Partout où ils passaient, on les appelait des brigands. Dans une halte qu'ils firent au-dessus d'Orgon, ils reçurent, paroles et musique, l'hymne de Rouget de Lille, sous le nom de Chant du Rhin. C'était Barbaroux qui leur envoyait ce viatique pour leur faire paraître la route moins longue. L'un d'eux déchiffra la musique et chanta les paroles. Puis tous, d'un cri immense, répétèrent le chant terrible, bien autrement terrible, que ne l'avait rêvé Rouget de Lille lui-même. En passant par la bouche des Marseillais, son chant avait changé de caractère comme les mots avaient changé d'accent. Ce n'était plus un chant de fraternité, c'était un chant d'extermination et de mort. C'était la Marseillaise, c'est-à-dire l'hymne retentissant qui nous a fait tressaillir d'épouvante dans le sein de nos mères. Cette petite bande de Marseillais, traversant ville et village, effrayait la France par son ardeur à chanter ce chant nouveau, encore inconnu. Quand il les sut à Montereau, Barbaroux courut en informer Santerre. Santerre lui promit d'aller recevoir les Marseillais à Charenton avec 40 000 hommes. Voici ce que Barbaroux comptait faire avec les 40 000 hommes de Santerre et ses 500 Marseillais. Mettre les Marseillais en tête, emporter d'un élan l'hôtel de ville et l'assemblée, passer sur les Tuileries, comme au 14 juillet 1789 on avait passé sur la Bastille, et sur les ruines du palais florentin, proclamer la République. Barbaroux et Rebecky allèrent attendre à Charenton Santerre et ses 40 000 faubouriens. Santerre arriva avec 200 hommes. Peut-être ne voulut-il pas donner aux Marseillais, c'est-à-dire à des étrangers, la gloire d'un pareil coup de main. La petite bande aux yeux ardents, au visage basané, aux paroles stridentes, traversa tout Paris, du jardin du roi aux Champs-Élysées, en chantant la Marseillaise. Pourquoi l'appellerions-nous autrement qu'on ne l'appela? Les Marseillais devaient camper aux Champs-Élysées où un banquet devait leur être donné le lendemain. Le banquet eut lieu en effet. Mais entre les Champs-Élysées et le pont tournant, à 2 pas du festin, étaient rangés les bataillons de grenadiers de la section des Fils Saint-Thomas. C'était une garde royaliste que le château avait placée là comme un rempart entre les nouveaux venus et lui. Marseillais et grenadiers des Fils Saint-Thomas se flairèrent ennemis. On commença par échanger des injures, puis des coups. Au premier sang qui coula, les Marseillais crièrent « aux armes !» sautèrent sur leurs fusils en faisceau et chargèrent à la baïonnette. Les grenadiers parisiens furent culbutés par ce premier coup de boutoir. Heureusement, ils avaient derrière eux les Tuileries et leurs grilles. Le pont tournant protégea leur fuite et se releva devant leurs ennemis. Les fugitifs trouvèrent un asile dans les appartements du roi. La tradition prétend qu'un blessé fut soigné des propres mains de la reine. Les fédérés, marseillais, bretons et dauphinois, etc., étaient 5 000. Ces 5 000 hommes étaient une puissance, non par le nombre, mais par la foi. L'esprit de la Révolution était en eux. Le 17 juillet, ils avaient envoyé une adresse à l'Assemblée. « Vous avez déclaré la patrie en danger, » disait-il, « mais ne la mettez-vous pas en danger vous-même en prolongeant l'impunité des traîtres ? poursuivait Lafayette, suspendait le pouvoir exécutif, destituait les directoires de département, renouvelait le pouvoir judiciaire. Le 3 août, c'est Pétion lui-même qui reproduit la même demande, Pétion qui, de sa voix glacée, au nom de la Constitution, réclame l'appel aux armes. Il est vrai qu'il a derrière lui deux dogues qui le mordent de jambes, Danton et Sergent. « La Commune, dit Pétion, vous dénonce le pouvoir exécutif. Pour guérir les maux de la France, il faut les attaquer dans leurs sources et ne pas perdre un moment. Nous aurions désiré pouvoir demander seulement la suspension momentanée de Louis XVI. La Constitution s'y oppose. Il invoque sans cesse la Constitution. Nous l'invoquons à notre tour et nous demandons la déchéance. Entendez-vous le roi de Paris qui vient dénoncer le roi de France, le roi de l'Hôtel de Ville qui déclare la guerre au roi des Tuileries ? L'Assemblée recula devant la terrible mesure qu'on lui proposait. La question de déchéance fut remise au 9 août. Le 8, l'Assemblée déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation contre Lafayette. L'Assemblée reculait. Qu'allait-elle donc décider le lendemain à propos de la déchéance ? Allait-elle, elle aussi, se mettre en opposition avec le peuple ? Qu'elle prenne garde ! Ne sait-elle point ce qui se passe, l'imprudente ? Le 3 août, le jour même où Pétion est venu demander la déchéance, le faubourg Saint-Marceau se lasse de mourir de faim dans cette lutte qui n'est ni la paix ni la guerre. Il envoie des députés à la section des 15-20 et fait demander à ses frères du faubourg Saint-Antoine « Si nous marchons sur les Tuileries, marcherez-vous avec nous ?»« Nous marcherons », répondent ceux-ci. Le 4 août, l'Assemblée condamne la proclamation insurrectionnelle de la section Mauconseil. Le 5, la Commune se refuse à publier le décret. Ce n'est point assez que le roi de Paris ait déclaré la guerre au roi de France. Voilà la Commune qui se met en opposition avec l'Assemblée. Tous ces bruits d'opposition au mouvement revenaient aux Marseillais. Les Marseillais avaient des armes, mais n'avaient pas de cartouches. Ils demandaient à grands cris des cartouches. On ne leur en donnait pas. Le 4, au soir, une heure après que le bruit s'est répandu, que l'Assemblée condamne l'acte insurrectionnel de la section Mauconseil, deux jeunes Marseillais se rendent à la mairie. Il n'y a au bureau que deux officiers municipaux, Sergent, l'homme de Danton, Panisse, l'homme de Robespierre. « Que voulez-vous ? » demandent leurs deux magistrats. « Des cartouches, » répondent les deux jeunes gens. « Il y a défense express d'en délivrer, » dit Panisse. « Défense de délivrer les cartouches ?» reprend l'un des Marseillais. « Mais voilà l'heure du combat qui approche, et nous n'avons rien pour le soutenir. » « On nous a donc fait venir à Paris pour nous égorger ?» s'écrie l'autre. Le premier tire un pistolet de sa poche, Sergent sourit. « Des menaces, jeune homme, » dit-il. « Ce n'est pas avec des menaces que vous intimiderez deux membres de la Commune. »« Qui parle de menaces et d'intimidation ?» dit le jeune homme. « Ce pistolet n'est pas pour vous, il est pour moi. » Et appuyant l'arme contre son front, « De la poudre, des cartouches, ou foi de Marseillais, je me fais sauter la cervelle. » Sergent avait une imagination d'artiste, un cœur de Français. Il sentit que le cri que venait de pousser le jeune homme, c'était le cri de la France. « Panisse, dit-il, prenons garde. Si ce jeune homme se tue, son sang retombera sur nous. Mais si nous délivrons des cartouches malgré l'ordre, nous jouons notre tête sur le coup. N'importe. Je crois que l'heure est venue de jouer notre tête, dit Sergent. En tout cas, chacun pour soi, je joue la mienne, quitte à toi de ne pas suivre mon exemple. » Et prenant un papier, il écrivit l'ordre de délivrer les cartouches aux Marseillais, et signa. « Donne !» dit Panisse, quand Sergent eut fini, et il signa après Sergent. On pouvait être tranquille désormais. Du moment que les Marseillais avaient des cartouches, ils ne se laisseraient pas égorger sans se défendre. Aussi, les Marseillais armés, l'Assemblée accueille-t-elle, le 6, une pétition foudroyante qui lui adresse. Non seulement elle l'accueille, mais encore elle admet les pétitionnaires aux honneurs de la séance. Elle a grand-peur, l'Assemblée. Tellement peur qu'elle délibère si elle ne se retirera pas en province. Vergniaud seul la retient. Et pourquoi, mon Dieu ? Qui dira que ce n'était pas pour rester près de la belle Candeille que Vergniaud voulait rester à Paris ? Peu importe au surplus. « C'est à Paris, dit Vergniaud, qu'il faut assurer le triomphe de la liberté ou périr avec elle. Si nous quittons Paris, ce ne peut être que comme Thémistocle, avec tous les citoyens, en ne laissant que les cendres, et en ne fuyant un moment devant l'ennemi que pour lui creuser un tombeau. » Ainsi, tout le monde est dans le doute. Tout le monde hésite. Chacun sent la terre trembler sous lui et craint qu'elle ne s'ouvre sous ses pas. Le 4 août, le jour où l'Assemblée condamne la proclamation insurrectionnelle de la section au Conseil, le jour où les deux Marseillais font distribuer, par Panis et Sergent, des cartouches à leurs 500 compatriotes, ce même jour, il y avait eu réunion au Cadran Bleu sur le boulevard du Temple. Camille Desmoulins y était pour son compte et pour celui de Danton, Carra tenait la plume et traça le plan de l'insurrection. Le plan tracé, on se rendit chez l'ex-constituant Antoine, qui demeurait rue Saint-Honoré vis-à-vis de l'Assomption, chez le menuisier Duplay, dans la même maison que Robespierre. Robespierre n'était point de tout cela. Aussi, quand Madame Duplay vit s'installer chez Antoine toute cette bande de perturbateurs, monta-t-elle vivement à la chambre où ils étaient rassemblés, s'écriant dans sa terreur « Mais, monsieur Antoine, vous voulez donc faire égorger monsieur de Robespierre ?»« Il s'agit bien de Robespierre !» répondit l'ex-constituant. « Personne, Dieu merci, ne songe à lui, s'il a peur, qu'il se cache !» À minuit, le plan écrit par Carra fut envoyé à Santerre et à Alexandre, les deux commandants du faubourg. Alexandre eut marché, mais Santerre répondit que le faubourg n'était pas prêt. Santerre tenait la parole offerte à la reine le 20 juin. Au 10 août, il ne marcha que lorsqu'il ne put faire autrement. L'insurrection fut encore ajournée. Antoine avait dit qu'on ne songeait pas à Robespierre, il se trompait. Les esprits étaient tellement troublés qu'on eut l'idée d'en faire le mobile d'un mouvement, lui, ce centre d'immobilité. Et qui eut cette idée-là ? Barbaroux. Il avait presque désespéré, ce hardi Barbaroux. Il était tout près de quitter Paris, de retourner à Marseille. Écoutez, Madame Roland. Nous comptions peu sur la défense du Nord. Nous examinions avec Servan et Barbaroux les chances de sauver la liberté dans le Midi et d'y fonder une république. Nous prenions des cartes géographiques, nous tracions des lignes de démarcation. Si nos Marseillais ne réussissent pas, disait Barbaroux, ce sera notre ressource. Eh bien, Barbaroux crut en avoir trouvé une autre ressource, le génie de Robespierre. Ou peut-être était-ce Robespierre qui voulait savoir où en était Barbaroux. Les Marseillais avaient quitté leur caserne, trop éloignée pour venir au Cordelier, c'est-à-dire à portée du Pont-Neuf. Au Cordelier, les Marseillais étaient chez Danton. Ils allaient donc, en cas de mouvement insurrectionnel, partir de chez Danton, ces terribles Marseillais. Et si le mouvement réussissait, c'était Danton qui en aurait tout l'honneur. Barbaroux avait demandé à voir Robespierre. Robespierre eut l'air de condescendre à son désir. Il fit dire à Barbaroux et à Rebecky qu'il les attendait chez lui. Robespierre, nous l'avons dit, logeait chez le menuisier Duplay. Le hasard, on se le rappelle, y avait conduit le soir de l'échauffourée du Champ de Mars. Robespierre regarda ce hasard comme une bénédiction du ciel, non seulement parce que pour le moment, cette hospitalité le sauvait d'un danger imminent, mais encore parce qu'elle faisait tout naturellement la mise en scène de son avenir. Pour un homme qui voulait mériter le titre d'incorruptible, c'était bien là le logement qu'il fallait. Il n'y était cependant point entré tout de suite. Il avait fait un voyage à Arras. Il en avait ramené sa sœur, Mademoiselle Charlotte de Robespierre, et il demeurait rue Saint-Florentin avec cette maigre et sèche personne à laquelle, 38 ans plus tard, nous avons eu l'honneur d'être présentés. Il tomba malade. Madame Duplay, qui était fanatique de Robespierre, sut cette maladie, vint reprocher à Mademoiselle Charlotte qu'elle ne l'eût pas averti de la maladie de son frère, et exigea que le malade fût transporté chez elle. Robespierre se laissa faire. Son vœu, en sortant de chez les Duplay, comme hôte d'un instant, avait été d'y rentrer un jour comme locataire. Madame Duplay donnait donc en plein dans ses combinaisons. Elle aussi avait rêvé cet honneur de loger l'incorruptible, et elle avait préparé une mansarde étroite, mais propre, où elle avait fait porter les meilleurs et les plus beaux meubles de la maison pour faire compagnie à un charmant lit bleu et blanc, plein de coquetterie, tel qu'il convenait à un homme qui, à l'âge de 17 ans, s'était fait peindre tenant une rose à la main. Dans cette mansarde, Madame Duplay avait fait, par l'ouvrier de son mari, poser des rayons de sapin tout neuf pour placer des livres et des papiers. Les livres étaient peu nombreux. Les œuvres de Racine et de Jean-Jacques Rousseau formaient toute la bibliothèque de l'austère jacobin. En dehors de ces deux auteurs, Robespierre ne lisait guère que Robespierre. Aussi, tous les autres rayons étaient-ils chargés de ses mémoires comme avocat, de ses discours comme tribun. Quant aux murs, ils étaient couverts de tous les portraits que la fanatique Madame Duplay avait pu trouver du grand homme. de même que Robespierre n'avait que la main à étendre pour lire Robespierre, de quelque côté qu'il se tournât, Robespierre ne voyait que Robespierre. Ce fut dans ce sanctuaire, dans ce tabernacle, dans ce saint des saints, que l'on introduisit Barbaroux et Rebecky. Excepté les acteurs mêmes de la scène, nul ne pourrait dire avec quelle filandreuse adresse Robespierre entama la conversation. Il parla des Marseillais d'abord, de leur patriotisme, de la crainte qu'il avait de voir exagérer même les meilleurs sentiments, puis il parla de lui, des services qu'il avait rendus à la Révolution, de la sage lenteur avec laquelle il en avait réglé le cours. Mais cette Révolution, n'était-il point temps qu'elle s'arrêtât? N'était-il pas l'heure où tous les partis devaient se réunir, choisir l'homme populaire entre tous, lui remettre cette Révolution entre les mains, le charger d'en diriger le mouvement? Rebecky ne le laissa pas aller plus loin. « Ah, dit-il, je te vois venir, Robespierre. » Robespierre se recula sur sa chaise comme si un serpent se fût dressé devant lui. Alors Rebecky, se levant, « Pas plus de dictateur que de roi, dit-il. Viens, Barbaroux. » Et tous deux sortirent aussitôt de la mansarde de l'incorruptible. Panis, qui les avait amenés, les suivit jusque dans la rue. « Ah, dit-il, vous avez mal saisi la chose, mal compris la pensée de Robespierre. » Il s'agissait tout simplement d'une autorité momentanée. Et si l'on suivait cette idée-là, nul certainement, plus que Robespierre. Mais Barbaroux l'interrompit, et répétant les paroles de son compagnon, « Pas plus de dictateur que de roi !» Puis il s'éloigna avec Rebecky.